Les vice-présidents du comité central du Parti du Travail de Corée ont visité le 22 courant la résidence des délégués à la 7e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée. Kim Gi-nam, Cha Tae-bok, les quatre intéressés et les quatre responsables du comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée ont rencontré les délégués et lué leur succès avant de les prier de devenir vainqueurs glorieux dans la lutte sacrée pour faire briller la grande époque Kim Jong-un.